puis Adnaïsen, Nagel, si vous saviez ce que veut dire l'amour. Encore saviez-vous ce que veut dire l'amour. Remercier à chaque instant, voir le sourire de l'enfant, et frémir sur les couchants, apprécier la caresse du vent. Si vous saviez ce que veut dire l'amour, encore saviez-vous ce que veut dire l'amour. Partager sans compter, entendre votre cœur chanter, écouter une voix vous guider, éviter ce qui peut blesser. Nañu fexé ba buñ ko may fu mu jagaal.